Cette lettre fut un coup de foudre. Le baron y voyait éclore les déchirements intestins qui tiraillaient encore aujourd'hui le gouvernement de l'Algérie, entre le civil et le militaire. Et il devait inventer sur le champ des palliatifs à la plaie qui se déclarait. Il dit aux soldats de revenir le lendemain, et après l'avoir congédié, non sans de belles promesses d'avancement, il rentra dans le salon. « Bonjour et adieu, mon frère, » dit-il au maréchal. « Adieu, mes enfants, adieu, ma bonne Adeline. Et que vas-tu devenir, Lisbeth ? » dit-il. « Moi, je vais tenir le ménage du maréchal, car il faut que j'achève ma carrière, en vous rendant toujours service aux uns et aux autres. » « Ne quitte pas Valérie sans que je t'aie vue, » dit Hulot à l'oreille de sa cousine. « Adieu, Hortense, ma petite insubordonnée. Tâche d'être bien raisonnable. Il me survient des affaires graves. Nous reprendrons la question de ton raccommodement. « Pense-y, ma bonne et petite chatte, » dit-il en l'embrassant. Il quitta sa femme et ses enfants, si manifestement troublés qu'ils demeurèrent en proie aux plus vives appréhensions. « Lisbeth, » dit la baronne, « il faut savoir ce que peut avoir Hector. Jamais je ne l'ai vu dans un pareil état. Reste encore 2 ou 3 jours chez cette femme. Il lui dit tout à elle, et nous apprendrons ainsi ce qu'il a subitement changé. Sois tranquille, nous allons arranger ton mariage avec le maréchal, car ce mariage est bien nécessaire. » Je n'oublierai jamais le courage que tu as eu dans cette matinée, dit Hortense en embrassant Lisbeth. Tu as vengé notre pauvre mère, dit Victorin. Le maréchal observait d'un air curieux les témoignages d'affection prodigués à Lisbeth, qui revint raconter cette scène à Valérie.